Thank you. Comment vous appelez-vous? Grégoire. êtes-vous ?

chez Marguerite. cette nuit, s'est couvé la tête de noir blanc. Et vous autres, préparez vos cœurs au mystère qui va s'accomplir. Oh, Pedro, est-ce que tu vois quelque chose? C'était vous qu'on a envoyé là-haut, pourquoi? Je vois une bonne lumière! Je vous pages de nuit de sang d'outre-mer et de pourpre se sont effeuillées sous les doigts. Et il ne reste plus sur le parchemin virginal l'initiale dorée. Thank you. notre